loi de la nation, elle nous les réinvente. Bien sûr, pour commencer, ce sera l'apéro. Dès le matin au boulot, payé par vos impôts. Attention, attention, c'est la révolution. Attention, attention, c'est la révolution. Et la pause toutes les heures, faut penser aux fumeurs. Et bien sûr, les paquets ne seront plus taxés. À 11h, tout le pays reprend un apéro. Martini et Blini, et merci l'apéro. Et merci l'apéro. Et merci l'apéro. Attention, attention, c'est la révolution. Attention, attention, c'est la révolution. Et le gouvernement annonce des amendements, une directive Ricard, un règlement Pina et une loi Sauciflard.